Tous ces objets charmants qui m'entouraient que j'aime, choisis par mes amis, quelques-uns par moi-même, je n'y puis songer sans émoi, que deviendront-ils après moi? Peut-être bien connaître à moi-même identique, ou parlera de moi un frère sympathique, mais peut-être mal défendu, serez-vous volé ou vendu? Hélas, très cher, ce soir j'ai froid jusque dans mon âme, en songeant que pour quelque argent, un être infâme de vous puisse se départir. J'aurais aimé entrer avec vous dans la vie et sortir avec vous dans mon âme ravie. Pour y en être, que partir.